Bienvenue dans un univers où l'irréel côtoie l'imparfait. La réalité se morcelle en fragments d'éternité. Nous sommes à jamais sanctifié par un Dieu qui nous a par amour exilés, rejetés. Dieu bénisse les esprits tourmentés qui ont trouvé le chemin de la dignité. Ce qui reste de nous est irréel, fantasmé par une chair.